Restez à mes côtés malgré mes écarts. Restez à mes côtés malgré le brouillard. La pression sans cesse de danser dans le noir. Célébrité, showbiz ou règne animal. Tu sais bien qu'on vit dans un monde infâme. Obligé d'être le mal alpha. On a subi, donc laisse-moi partager tes peines. Je veux que tu me suives le temps que cicatrise mes. Y a quelques nuances, je m'arrêterai brutalement de toute évidence. Je ne vois les enfants que de temps en temps. Je me demande comment j'ai pas pété les plombs. Tes sentiments m'empêchent de couper les ponts. Le temps finira par me donner raison. On a subi, donc laisse-moi partager tes peines. Je veux que tu me suives le temps que cicatrise mes. Comme une ombre.